It's okay. What you want? Je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. soir. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Rien compris.